Ah, j'adore. Et à mon Instagram dessus. Voilà. Donc, t'as fait tes cartes de visite sur des billets. Ouais. Parce que j'adore l'argent. Parce qu'Ernesto Trivet. Ernesto Benet. Ouais. Ça va aller. Doucement, Nico. Là. Parce que je recherche quelqu'un pour faire une annonce. C'est une annonce pour que quelqu'un fasse une annonce. Pour la performance. Personne ne va faire une annonce pour la performance. Cool. On vient. J'annonce la performance. Oui, s'il te plaît. Je peux en savoir sur la performance. Qu'est-ce que je vais annoncer? Ernesto et Rebecca. Voilà. Eh bien, je vous annonce officiellement et avec une grande joie la performance d'Ernesto et de Rebecca. Allez, maintenant, on vient. Ils vont pour votre plus grand bonheur pour réjouir les rétines et les oreilles. Demandez à vos voisins et voisines, mais si c'est ok, vous pouvez fumer à l'intérieur. Cramez pas tout. Ouais, je suis pas petit. Avec beaucoup de lag dedans. Ça prend très vite. Ça te dérange pas si j'enregistre ça? Ouais. Alors déjà, Ernesto Benet, c'est un drag king qui aime la vie un peu comme tout le monde, mais qui a très très grand sensible et qui est un petit peu coincé dans le temps, dans les années 70-80, on va dire. Voilà. Donc, ça sera très rare qu'il danse sur les musiques actuelles, on va dire. Alors, je pense que tout le monde se demande peut-être pourquoi Ernesto, pourquoi il s'appelle comme ça. Pourquoi Ernesto? Eh ouais. Eh bah tout simplement parce que je cherchais un. Enfin, parce que j'ai des origines italiennes et je voulais chercher un nom, un prénom assez vieux. Et en fait, j'ai un arrière-grand-père qui s'appelle Ernesto. Okay. Et en plus, il est mort très jeune, je crois de la grippe espagnole, un truc comme ça. Et c'est un petit peu pour lui rendre hommage, un peu pour le faire revivre, quoi, d'entre les morts, voilà. Et Béné, pourquoi Béné? C'est vrai ça, pourquoi Béné, hein? Tout simplement, je voulais faire au tout départ, l'histoire d'Ernesto, au tout départ, il s'appelait Ernesto Ké. Parce qu'il voulait un petit clin d'œil à Dunkerque et... Il y a un dialecte flamand du carnaval, ou même une bière, qui s'appelle l'anneau stocké. Et du coup, j'ai voulu faire un truc comme ça. Mais après, je me suis rendu compte que tout le monde me disait « Ernesto, Ernesto, Ernesto ». Mais moi, c'est Ernesto Ké. Voilà, bon, peut-être qu'ils en avaient rien à faire du Ké. Bon, voilà. Bon. Au final, j'ai viré le Ké. Voilà. Et j'ai mis Bene. Parce qu'en italien, sto bene, ça veut dire « je vais bien ». Et à chaque fois que je suis en tracking, je fais bien en fait. Enfin, j'ai pas de tracas. Enfin, je me libère quoi de tout ce qui est les carcans quotidiens. Enfin, et je fais ce que j'aime faire quoi. Depuis longtemps en fait. Au final, le drag, au final, c'est vachement libérateur. Enfin, même depuis très jeune, j'ai subi du harcèlement. Les auditeurs ne voient pas, mais j'ai une chevelure rousse très très flamboyante. Donc, bien sûr, j'ai eu des moqueries dans la terrible période du collège. Voilà. Et bah, j'avais l'habitude de m'enfermer dans ma chambre et un peu de lip-syncer, en fait, c'était totalement ça. De lip-syncer, de me faire un personnage fort qui est sur scène. Enfin, j'imaginais une scène, un public imaginaire, je me refaisais des concerts et tout. Et au final, bah, ce que je fais maintenant, bah, au final, je le fais en vrai, quoi, en public. Et franchement, c'est à peu près la même chose, donc... Ça me sort pas trop de ma zone de confort parce que je le faisais déjà dans ma chambre. Bon, maintenant, je le fais pareil, mais maquillé, avec des tenues, avec des plumes de partout. C'est un petit peu ma marque de fabrique, les plumes. Donc, voilà, voilà. Juste avant que je suis tombée dans le merveilleux monde du drag, j'étais dans une période de chômage depuis bien bien longtemps, presque un an. Enfin, c'était ma première année de chômage et ça commençait à vraiment être assez dur au niveau mentalement. J'ai commencé à aller voir un psy et ce psy m'a dit qu'il faudrait que vous commenciez à faire des trucs. J'ai une âme très créative. Quand je crée quelque chose de mes mains, que je suis à fond dans un projet créatif, bah, j'oublie tout et je me sens vachement bien. Et il m'a dit, bah, pourquoi pas aller dans un projet, je sais pas, de théâtre ou de création, et, pour un peu m'évader, quoi. Et déjà, j'étais fan du drag, déjà. Je regardais beaucoup Drag Race France, Drag Race Belgique. J'adorais cet univers. Pour moi, les drag queens, quand je voyais une, oh, c'était un peu comme une des fées. Pour moi, c'était des créatures surnaturelles, voilà. qui m'aident un petit peu à oublier et à aller vers un autre monde, on va dire. Enfin, à leur monde des drag queens. Et franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et en plus, je regarde Drag Race, donc à un moment, des fois, il y a des moments émotion. Où ils parlent de leur vie et forcément il y en a beaucoup qui sont souffert de leur homosexualité ou même qu'elles soient féminées ou même moquées parce qu'elles se sentaient pas dans leur corps et tout, et franchement ça rapprochait un petit peu de ce que j'avais vécu. Enfin, j'ai pas seulement subi de l'harcèlement sur mon physique, sur mes cheveux, même sur mon poids, mais aussi on se demandait aussi si j'aimais aussi les femmes. Maintenant c'est le cas, je suis pansexuelle, voilà. Mais franchement, ouais, ce monde, je sais pas, je me suis dit, peut-être un jour j'en ferai. Thank you. avec. Avec, avec, avec. Avec, avec. Avec, avec, avec. Avec, avec, avec. Avec, avec, avec. Avec, avec, avec. Avec, avec, avec. Avec, avec, avec. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Avec, avec, avec talent. Avec, avec, avec, avec. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Avec, avec, avec talent. Avec ta langue. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Avec ta langue. Avec ta langue. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Avec ta langue. Avec. Avec. Avec ta langue. Avec. Avec. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Avec ta langue. Avec ta langue. Avec ta langue, avec, tu m'enlèves les mots de la bouche. Avec, avec, avec, avec ta langue, avec, avec ta langue, avec, avec, tu m'enlèves les mots de la bouche. Avec ta langue, avec, avec ta langue, avec, avec, avec, avec, avec. Avec, avec ta langue, avec, avec, avec ta langue, avec, avec, avec, avec, avec, avec, avec, avec, avec. Je suis souvent à Paris pour voir de la famille là-bas. Et où j'étais à Paris, y avait une scène queer, le hasard ludique, qui fait beaucoup de scènes au niveau de drag, ou même des bingo drag, ou des concerts inclusifs, ou enfin un peu de tout. Et qui proposait, avec un collectif qui s'appelle la King Factory à Paris, qui proposait un After Pride complètement 100% king. Alors, moi, j'ai jamais vu des kings performer pour de vrai. J'ai toujours vu des drag queens. Et je me suis dit, pourquoi pas y aller ? Voilà, ça pourrait être chouette. Et franchement, ça m'a totalement emballée. C'était vraiment entraînant, c'était très, très théâtral. Et j'aime tout ce qui est très théâtral, très, très expressif. Quoi. C'était vraiment... franchement, c'était... Waouh. Je sais pas comment le dire, mais... Franchement, j'ai une petite révélation que franchement, pourquoi pas faire ça ? Enfin, c'était en juin, du coup. Et cette idée m'a mijotée. Et après, pendant 2 mois, voilà, Ernesto et Com a commencé à venir. J'ai commencé à faire un truc autour d'un personnage. C'est, j'ai voulu faire un personnage qui se rapproche beaucoup d'idoles des années 70, surtout au niveau du glam rock. Parce que j'adore je suis une grande fan de Queen, le groupe de Freddie Mercury, bon, pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis une grande fan, voilà. Et j'étais aussi, je suis un gros fan de David Bowie aussi. J'aime beaucoup son personnage, de Ziggy Stardust, ou même d'autres personnages qu'il a incarnés, comme The Thin White Duke, pour les connaisseurs qui connaissent David Bowie. Mais la transformation, enfin, faire un drag king assez androgyne, qui a aussi un petit côté un peu Tim Burton, je voudrais bien. J'aurais bien, enfin, ce que je fais, ouais. Bon. Un côté un petit peu Tim Burton, un peu creepy, un petit peu, pas effrayant, mais assez dans la folie. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est... Enfin, même le cinéma un petit peu psychologique, j'adore ça. Et Ouais, je voulais créer un personnage un petit peu androgyne et un petit peu toc-toc, on va dire, mais voilà, dans les mots, dans... Voilà, bref. Pauline, est-ce que je peux te prendre une bière sans alcool ? Quoi, tu veux une goudelle ou une telle forte ? Bah, je veux bien une sans alcool, encore. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, telle seule. Pas de soucis. Il en reste. Il en reste, alors. Oui, super. Telle seule. Merci. Ça va, t'as ton stock de prévu. Ouais, c'est que pour moi. Je vous en prie. Merci. T'inquiète. C'est bon, ton stock est là. Cool. Non, mais tout va bien. Les yeux, ils étaient pas grands, hein, tu sais. Est-ce que tu peux me donner une bière sans alcool? Ouais, une bière sans alcool. Tu l'as enregistré, ça? Ouais. Le bruit, tu m'as dit de bière sans alcool. Louf. C'est un tout petit paragraphe de Le petit guide des fourmis. Du coup, c'est le paragraphe se défendre et attaquer. J'ai deux assistantes très investies. Alors, hors du nid, les ouvrières s'exposent à de nombreux dangers, au premier rang desquels l'agressivité des fourmis habitant les nids voisins. Il leur faut par ailleurs capturer des proies. Pour relever ces défis, elles s'appuient sur une panoplie d'armes embarquées. Notre animalité n'est pas en dehors de nous. Il y a des petits schémas, mais je vous ferai passer si vous voulez. Les mandibules servent à manipuler toutes sortes d'objets, mais aussi à mordre et à gripper un adversaire. Selon les espèces, elles sont plus ou moins longues et pointues, on parle des mandibules, et garnies d'un nombre variable de pointes acérées ou dents. Pigeon. Les fourmis ont des dents. Voilà. Pigeon. Notre animalité n'est pas en dehors de nous. Par ailleurs, les fourmis produisent quantité de substances chimiques pouvant repousser ou blesser leurs adversaires. Ça, c'est vraiment un manuel très important pour les lieux antifâches. Avoir des produits chimiques sur soi, peut-être ça peut être décidé. Chez certaines espèces, un aiguillon ou dard qui pointe à l'extrémité de l'abdomen permet d'injecter du venin. Notre animalité n'est pas en dehors de nous. En l'absence d'aiguillon, un orifice permet tout de même d'excréter des armes chimiques. Les fourmis rousses utilisent ainsi leur abdomen pour projeter de puissants jets d'acide formique. Ouais, alors ça, si on pouvait savoir ça avant. Donc là, il y a un petit schéma. Donc ça, c'est le jet d'acide, l'aiguillon et le mandibule. Voilà. C'est juste un tout petit morceau du petit guide des fourmis. Pour le résumé, vie de la colonie, moyens de communication et de défense, diversité et menaces. Grâce à ce guide, le monde des fourmis n'aura plus de secrets pour vous. Voilà. J'ai cru important de lire ça pendant cette tournée par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Notre animalité n'est pas en dehors de nous. Ouais, petit rappel important quand même. Merci. Bah, toute première scène, c'est à Dunkerque au DND. Il y a une association qui s'appelle le Projet Iris, qui est une association qui organise des événements autour de la communauté LGBT, ou même des expositions sur la communauté, ou même, bon, bah, là, ils ont proposé une scène ouverte. Et je me suis dit, allez, vas-y. Allez, sans réfléchir. Hop, là, j'ai posé, voilà, au culot. Allez, hop, on va voir ce que ça va donner. Bah, franchement, j'ai grave aimé. Bon, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que, bon, personne n'a filmé ma première, la toute première performance. C'était sur Killer Queen de bah, Queen. Groker Queen, je vous adore. Personne ne s'attendait à avoir mon futur talent, quoi. Mais quand même... Ah, peut-être, ils étaient tellement subjugués par tant de talent qu'ils n'ont pas... Oui, ouais, je pense, ouais. Peut-être qu'ils ont voulu... Bon, après, c'était pas foufou, quoi. Après, c'était pas très foufou. Enfin, j'avais juste une veste... Enfin, après, bon... Fake it, you make it. Bon, voilà. Comme dit la grande RuPaul. Même si t'as pas grand-chose, tu y vas comme ça. Et voilà. Tu fais comme si... voilà, t'avais une super tenue. Mais bon, voilà. Bon, après... après, c'était... Il faut un début à tout, quoi. Après, bon, bah, je me suis améliorée. Et j'ai commencé à... Bien sûr. Enfin, voilà. Et bon, bah, dans la salle, il y avait des drag queens qui venaient de Calais. Ça, je ne savais pas qu'il y avait quand même, une grosse communauté drag à Calais. Et surtout un grand bar qui s'appelle la Trambar. Voilà, je ne savais pas que ça existait. Un monde merveilleux que maintenant, je suis une grande abonnée maintenant. J'y vais très régulièrement parce que maintenant, j'ai un ami drag king là-bas qui habite là-bas. On est frères de sang, voilà. Enfin, on est frères de cœur à la vie, à la mort. Et bon, ils m'ont dit... Enfin, c'est drag queen, je crois que c'est Mona Banks et la XXL, qui sont un peu les grandes têtes de la Trambar, qui m'ont dit « Ah tiens, il y a un concours de baby drag. Ça te dirait ? Enfin, ça, tu pourrais t'inscrire ?» Ok, je me dis ok, après je commence, donc je vais pas taper dans un gros truc comme ça, quoi. Enfin, je viens de commencer et tout. Ouais, bah ferme-la, Clara, parce que je m'appelle Clara dans la vie civile. Je me suis dit, ouais. Enfin, après, je me suis réveillée le lendemain, je me suis dit, allez, ferme-la, Clara, allez, je vais y aller, paf. Le lendemain, je demande au bar, est-ce que je peux m'inscrire ? Allez, hop, t'es inscrite. Allez, hop. Pascal, C'est un Linux ou Ubuntu? Ouais. Parce que je sais pas ce que c'est le navigateur, je connais pas bien ce système. C'est Ubuntu, c'est ça? Ah oui, et en plus ça fait un truc sur mon téléphone dès que j'ai... Alors ça c'est ok, c'est le truc... Même, enfin, je reviens à ce que à mes séances de psy que j'ai eu. Maintenant, je le vois plus d'ailleurs parce que depuis que je fais du drag, bon bah, je vais beaucoup mieux. Et il me dit quand vous allez pas mal, vous venez me voir. Pour l'instant, je vais très bien. Voilà, j'ai pas besoin de lui. S'il y a des grands fans de Drag Race France qui connaissent Drag Race France saison 1, il y a une drag queen qui s'appelle la Kaena. Qui dit que, en fait, la Kaena, c'est le psy de Malek. Enfin, son nom drag, quoi. Enfin, son nom civil, quoi. En gros, sa drag queen, c'est un peu son psy, quoi. Et en vrai, pour moi, c'est... Totalement, c'est ça. Et en revenant par mon psy, il m'a dit que je réfléchis trop. Je mijote beaucoup. Je cogite beaucoup dans ma tête. Et après, bon, bah... Après, bon, j'ai dit... Comment dire? Après, des fois, j'ai des scénarios. Et, ah, et si je faisais ça? Et si il se passait ça? Mais en fait, non. Et tout, et tout. Et bouf, voilà, c'est... Des fois, quand je cogite, mon cerveau, c'est un gros bordel. Alors, je me suis dit, allez, dans le drag, allez, je fonce, j'y vais. Allez. si le soleil se met à gonfler. Bah déjà, je vais retourner aux racines d'Ernesto. Déjà. Bah si, il y a des auditeurs qui sont abonnés à mon compte. Je vous aime bébé. Je vous aime les bébés. Enfin, je vais aller dans un registre que j'ai jamais fait. Assez calme et assez séducteur. Donc voilà. Là, pour la première fois, Ernesto sera... un grand séducteur, voilà, avec des pas chaloupés, voilà. Bonne performance tout à l'heure. Moi je serai là. Merci. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage. Et je lui dis, emmène-moi. Et moi, je suis prêt à tous les sillages. On adore le rire. Ah oui, c'est comme ça. Bah ouais. Mais c'est bien joué. Bravo, bravo. C'est un hommage à Thierry ou pas? Ouais, carrément. C'est pour ça qu'elle était dans notre dernier live. Ouais, voilà. On est hommage dans notre dernier. Bah, j'ai cru. Il n'y a plus qu'à faire. Thierry le remarque.